Le meeting de remise du message de félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée aux cadres et ouvriers de la mine d'Ongzin, qui crée un grand essor dans la campagne de 200 jours par la force de la capacité de se renforcer soi-même, a eu lieu le 20 courant. Y ont participé Park Yong-ho, président du comité du parti pour la province du Hwanghae du Sud, les cadres intéressés et le personnel de la mine. Dans son message, le comité central du Parti du Travail de Corée a apprécié haut les cadres et ouvriers de la mine qui ont dépassé brillamment le plan annuel en créant la vitesse de maniement pour ainsi manifester le tempérament et l'esprit révolutionnaire de la classe ouvrière Kim Il-sung, Kim Jong-il héroïque, infiniment fidèle à l'appel du parti, en surmontant toutes les difficultés avec l'esprit révolutionnaire indomptable. Par ailleurs, le même jour, il y a eu aussi le meeting pour transmettre le message de félicitations du comité central du Parti du Travail de Corée aux ouvriers, techniciens et cadres de la fabrique des tissus éponges Daesung de Sallyeon, qui remportent des succès à l'allure de maliement dans la campagne de 200 jours en privilégiant les sciences et techniques.